Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord des Saguenay de Chicoutimi qui ont remporté une belle victoire hier de 3-2 contre les Tigres à Victoriaville. À noter dans le match que Brendan Hamelin a marqué et aussi Vincent Tremblay-Lapam. Deux passes pour Nicolas Roy. Et puisqu'il est question de la Ligue de hockey junior du Québec, puisqu'il est question de la Ligue junior du Québec, ben, à noter que Samuel Girard a réagi hein, sur le fait qu'il a été sélectionné pour participer au camp d'évaluation d'équipe Canada Junior en vue du prochain tournoi qui aura lieu très très bientôt. Et dans un premier temps, il mentionne qu'il va falloir qu'il garde son jeu comme il l'a fait dans la Ligue de hockey junior du Québec pour tailler une place avec équipe Canada. Je pense qu'il faut que je garde mon style de jeu. S'ils m'ont invité à leur camp, c'est souvent parce qu'ils aiment la manière que je joue. Alors, c'est sûr, je vais arriver avec la même mentalité que j'ai avec les Cataractes présentement. Je pense que défensivement avec les Cataractes sont quand même bien. J'ai un différentiel, je pense, depuis le début de la saison de plus 13. Après ça, je suis pas du très bien offensivement. Je pense que ça va très bien dans les deux zones. Fait qu'il faut que je continue à jouer comme je fais présentement. Et dans un deuxième temps, Samuel Girard mentionne que le fait que le tournoi est au Canada, ça n'a même pas plus de pression aux joueurs de l'équipe canadienne. Voilà, c'est sûr que nous, pour l'équipe Canada, c'est sûr que c'est le fun de jouer devant nos fans. Après ça, de pouvoir performer dans notre pays. Okay. Mais je pense pas que les joueurs, je pense pas qu'on va se mettre plus de pression si on réussit à passer l'alignement que dans le fond, on va avoir plus de pression. Je pense pas qu'on va se mettre plus de pression. Ouais. Et Samuel Girard devra se battre avec un autre, soit Victor Mété, pour mériter une place sur l'équipe canadienne. Mété qui est un espoir du Canadien de Montréal. Oui, ouais, exactement. Comme tu dis, je l'ai côtoyé un petit peu dans le passé, là, Victor Mété. Ouais, je pense qu'on peut comparer notre jeu là, de la même manière. Là. Écoute, je pense que c'est un défenseur qui est offensif, on a à peu près la même taille. Fait que oui, ça va être une chaude lutte là, avec tous les défenseurs. On va se le dire, là, c'est tous des très bons défenseurs qui sont là. Fait que il va falloir que je fasse ma place. Puisqu'il est question de hockey simple lettre, maintenant il y avait des matchs qui nous intéressaient maintenant. Dans la Ligue Novice, les Hurricanes du Mathias ont gagné 6-2 sur les Castors de Dolbeau. Et les Bulldogs et Félicien ont battu les Épervilles Normandais 5-2. Dans le Novice B, les Épervilles Normandais et les Sambres de Roberval se sont livrés en Vodicneux de 3-3. Et les Loups de Dolbeau-Mississi ont gagné 2-0 sur les Sénateurs de Saint-Félicien. Et dans la classe Atome B, les Sambres de Roberval et les deux équipes de Roberval se sont livrés un verdict nul de 2-2 et les Patriotes de Saint-Bruno ont vaincu les Sabres de Roberval 7-2. Maintenant, donc, et en terminant, bon, on va parler de Catherine Mailloux. Catherine Mailloux qui a bien fait également lors des qualifications en vue des essais hivernaux qui auront lieu en patinant à la vitesse sur courte-piste très prochainement. Et Catherine Mailloux nous mentionne par contre qu'elle ne s'attend pas à se classer dans l'équipe B de l'équipe canadienne, du moins pas cette année. Aussi, parce que dans le fond, c'est ma première saison, mon premier hiver au sexe senior. Beaucoup d'expérience, ça ne veut pas. Là, c'est des erreurs qu'on va faire, qu'on va apprendre de nos erreurs. C'est pas la même game là, contre des filles de l'équipe nationale que dans une qualification nationale. Donc, ça va être de prendre de l'expérience. Puis, je pense pas que ça va être possible pour cette année. En raison de mon entraînement, les objectifs de mon entraînement que je fais en ce moment. On est encore dans les objectifs techniques, tactiques, en course. Donc, l'endurance et la vitesse de pointe est okay. Pas encore à point. Travailler ça, on a un peu travaillé parce qu'on est à Noël, on est presque rendu à Noël, donc on a un peu travaillé, mais... Ouais. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Catherine Mailloux, justement. On a également parlé hier aussi avec Michael Godreau, l'instructeur des ambassadeurs Sugamo. Et aussi, j'ai parlé aussi hier avec Marc Fortier, où on revient sur le congédiement de Gérard Galland. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en